20 chansons. Un texte politisé, une critique du gouvernement, et des paroles en anglais, et du club en masse. Société écervelée, pour votre sécurité, des contrôles automatiques. Cette porte est une issue de secours. Issue de secours. Elle ne mène nulle part aux alentours. Aux alentours. Tu me parles tout le temps de liberté. De liberté. Où veux-tu donc aller par les chemins de la pensée? Rallier la cause finale. Sagesse de la spéculation. Un peuple franchement basique. Et des femmes en plastique. Sur mon strapontin. Je mate la réalité. Des gens beaucoup trop classe. Pour pouvoir les côtoyer. Cette porte est une issue de secours. Issue de secours. Elle ne mène nulle part aux alentours. Aux alentours. Tu me parles tout le temps de liberté. De liberté. Où veux-tu donc aller par les chemins de la pensée? Cette porte est une issue de secours. Issue de secours. Elle ne mène nulle part aux alentours. Aux alentours. Tu me parles tout le temps de liberté. De liberté. Où veux-tu donc aller par les chemins de la pensée?